Chapitre 22. La mer humaine. 2 ans auparavant, le 30 mai 1770, lors du feu d'artifice donné pour le mariage de Madame la Dauphine, il y avait eu au même lieu une effroyable catastrophe dont le souvenir restait vivant. Le dauphin, depuis Louis XVI, avait été profondément impressionné par ce malheur. Non content de vider sa cassette, il avait juré que pareil fait ne se renouvellerait pas tant qu'il serait en vie. Aussi avait-il obtenu du roi licence d'envoyer des officiers et soldats de sa maison à toutes les fêtes publiques. À l'époque où nous sommes, il y avait moins de dangers qu'en 1770. Les aménagements de la place Louis XV étaient achevés. Les échafaudages avaient disparu autour du garde-meuble et du palais qui lui fait pendant. Tout l'espace entre les Tuileries et les Champs-Élysées était libre. En outre, 2 voies nouvelles étaient ouvertes depuis peu. L'avenue, à qui l'architecte de la place, Gabriel, venait de donner son nom, et la rue élargie qui longeait la terrasse des Feuillants. La foule est terrible par soi-même, comme la mer. Elle est aveugle, énorme, turbulente. Il faut la redouter partout. Mais il y a sur la mer des lieux funestes, des détroits, des caps, des gouffres, qui sont surtout illustres dans l'histoire des tempêtes. Dans l'histoire lamentable et stupide des écrasements, cette large place à l'aspect inoffensif, baptisée sous le nom de Louis XV, mais qui devait porter tant d'autres noms, ne le cède à aucun champ de massacre connu. Elle est pour la foule, cette mer humaine, ce que sont à l'autre océan la pointe d'Afrique, le Cap Horn ou le gouffre Maelstrom. On y meurt chaque fois que les lampions s'y allument, c'est la loi. Et de même que le sombre tourbillon de l'océan norvégien change, dit-on, de place au gré des mystérieuses fantaisies de l'abîme, de même ce piège colossal, tendu à nos réjouissances populaires, a-t-il marqué depuis son origine une demi-douzaine de lieux où devraient s'élever des chapelles expiatoires. De 1770 à la fin du siècle seulement, dans l'espace de 30 ans, on s'écrasa 3 fois au pont tournant, 2 fois à l'embouchure de la rue Royale, 2 fois au coin des Feuillants et 1 fois au centre même, devant la statue toute neuve du roi, entre les figures allégoriques de la paix et de la justice. Encore ne parlons-nous point des accidents de détail, enfants étouffés ou femmes pressées, qui avaient lieu fidèlement chaque année aux balustrades des jardins fossés. Le Maelstrom a été attribué au courant de la mer, tourmenté par la fonte de prodigieuses montagnes de glace. Le gouffre de la place de la Concorde est produit, selon toute apparence, par le défaut d'équilibre entre ces divers vomitoires, disposés d'ailleurs carrément. Les chocs y ont lieu de front, et presque toujours la bataille des 2 courants contraires y est prise en flanc par 2 autres charges tombant à angle droit sur le fort de la mêlée. Mais il faut tenir compte encore d'un autre élément de désordre, qui est peut-être le plus puissant de tous, les voleurs. C'est ici la grande moisson. Le banc et l'arrière-banc des chacals sont convoqués à la curée les soirs où Paris s'amuse. Chez nous, en Bretagne, dans les parages sinistres de la baie des Trépassés, on dit que les pauvres habitants de la côte, venant en aide à la colère de Dieu, allument des signaux menteurs par les nuits de tempête et appellent ainsi les malheureux matelots vers les récifs où est la mort. Cela pour piller les débris du navire et dépouiller les cadavres des hommes. Eh bien, la place Louis XV avait aussi ses naufrageurs. Je restais un instant stupéfait et en même temps incrédule. Était-il bien possible que j'eusse reconnu l'apôtre Saint-Pierre sous le costume d'un officier de la garde du Dauphin, c'est-à-dire portant le même uniforme que mon loyal ami Raguenel? L'officier, après avoir tourné son cheval, s'était éloigné par l'espace compris entre le quai et le premier jardin. Là, il y avait peu de monde. Ce n'était pas un chenal, aucun des courants n'y portait. On pouvait y respirer à l'aise et s'y reposer. J'eus désir d'y mener ma compagne qui donnait des signes de lassitude. Avez-vous vu ce gentilhomme ? Demandai-je. Certes, me répondit-elle. Je l'ai pris d'abord pour Monsieur Ragnel, mais il est plus petit, beaucoup. N'avez-vous point remarqué son visage ? Non, mais comme on nous entraîne ! C'était vrai. Il y avait un furieux remous qui entraînait loin de l'espace libre, et ce n'était pas ici comme au débouché du pont. Aucune cause visible ne produisait cette poussée. Je regardais attentivement autour de moi. L'inquiétude ne se raisonnait pas encore dans mon esprit, mais elle y était née. J'éprouvais ce serrement de poitrine du nageur qui mesure la distance trop longue à parcourir entre lui et la rive. Au-devant de moi, l'espace me semblait immense. Par derrière, le flot qui me poussait était évidemment irrésistible. C'eût été folie de revenir sur ses pas. Pendant que je me livrais à cet examen, les figures qui m'entouraient me sautèrent aux yeux. Elles étaient toujours les mêmes, mais il me semblait que le noyau des villageois se resserrait autour de moi. C'étaient des hommes vigoureux qui échangeaient entre eux de singuliers sourires. Je crus voir que le mouvement qui m'entraînait où je ne voulais point aller venait d'eux. Ils déplaçaient du reste dans la foule un large noyau qui ne dépendait point d'eux. Il y avait là d'honnêtes gens du peuple et des petits bourgeois qui traînaient déjà péniblement leurs enfants et leurs femmes. Mon parti fut pris tout de suite. Je cédais franchement au courant pour gagner le côté des Champs-Élysées. Peu m'importait la route à suivre, pourvu que je parvinsse à émerger hors du courant. Mais aussitôt que nous eûmes dépassé le plan des deux premières balustrades destinées à protéger les parterres, le courant changea de nouveau et si brusquement que des plaintes s'élevèrent de toutes parts. « Ne poussez pas ! » s'écria-t-on. Une voix dolente s'éleva tout près de moi qui cria « Vous voyez bien que je suis blessé !» Je me retournai vivement. Grippe-Soleil était à trois pas de moi. Le poids que j'avais sur la poitrine s'alourdit. C'était bien cette même voix qui avait dit tout à l'heure « Attention, le voilà !» au moment où Bertrand de Saint-Pierre s'était montré à la tête du pont sous l'uniforme des gardes du Dauphin. Certes, je ne devinais pas encore le plan infernal conçu par ce misérable, mais je me sentais entouré de bandits. L'aventure du couvent n'était pas finie. Le danger que j'avais cru fuir me suivait. Et désormais, je pouvais voir clairement qu'on obéissait au mot d'ordre donné par Saint-Pierre. Il avait dit « Au pont tournant !» Notre cercle, en dépit de lui-même, au lieu de suivre le flot qui descendait à la statue, louvoyait sensiblement vers la droite et coupait la cohue en biais au milieu d'un concert de malédictions. Le mot effroi peindrait mal la situation de ma pauvre belle Hermine. Elle n'avait aucune crainte, puisque j'étais là. Elle se confiait en moi ardemment. Au milieu de sa lassitude, qui allait grandissant, il y avait le bonheur d'être auprès de moi. Son bras s'appuyait à mon bras, et je sentais bien qu'elle cherchait les battements de mon cœur. Moi-même, je n'étais pas éloignée de gourmander l'angoisse inexplicable qui opprimait ma poitrine. Je me demandais, que peut-il advenir en présence de tant de témoins ? Je ne connaissais pas encore cette chose horrible et inhumaine qui a nom la presse. Malheureux que j'étais ! Ce flot vivant qui allait me submerger me rassurait. Un contre-courant assez appréciable se fit sentir à moitié chemin de la statue, au pont tournant. Il faut vous dire que j'espérais ce pont tournant comme le terme de nos peines. Une fois la grille franchie, nous aurions devant nous le large espace qui entoure le grand bassin. C'était le salut. « Comme cet air me fait du bien !» murmura Mademoiselle de Bois-le-Roi en se dressant pour donner son front au vent qui commençait à souffler avec violence. J'ai dû dire que, dès notre sortie du couvent, le ciel menaçait. L'orage avait couvé longtemps, retardé peut-être par les détonations du feu d'artifice. Il éclatait tout à coup. Deux rafales soudaines et puissantes balayèrent nos têtes et furent accueillies par une longue acclamation. La foule buvait avec délice ce vent qui chassait l'air pesant et vicié par des myriades de respirations. « De l'eau ! De l'eau ! » cria-t-on joyeusement. « Voilà de l'eau !» Le vent venait de l'est. Il nous apportait, avec le grand bruit des arbres secoués, le chant lointain de Vive Henri IV, exécuté par l'orchestre des parterres du roi. Le refrain fut repris en chœur, tandis que d'autres voix entonnaient la belle bourbonnaise pour faire pièce à Madame du Barry. Le premier coup de tonnerre éclata, suivi par un déluge de pluie qui éteignit les lampions comme par enchantement. En un clin d'œil, la place, si brillamment illuminée, fut plongée dans une obscurité complète. On entendit alors des plaintes et des cris de terreur, des femmes qui appelaient à l'aide et de pauvres petits-enfants qui pleuraient. L'angoisse me prit et ne me quitta plus jusqu'au dénouement qui était proche, quoique mon supplice, horrible et dont je désespère de rendre les phases navrantes, dut me paraître plus long qu'un siècle. La panique remplaçait la joie, les chants avaient cessé, ces ténèbres subites, qui enveloppaient la foule comme un linceul, portaient l'épouvante à peine née à son paroxysme. Il y eut d'énormes tressaillements dans cette masse, naguère encore ivre de gaieté, et qui gémissait déjà, sans transition, les terreurs de son agonie. On entendait des gens qui s'appelaient et qui se disaient adieu, comme des malheureux qui font naufrage. D'autres disaient leur nom à haute voix, réclamant le secours de leurs amis. J'ai encore dans l'oreille et dans le cœur la plainte aiguë de deux enfants qui mouraient, suffoqués, à quelques pas de moi. Ils criaient « Père, c'est moi ton petit Jean, c'est moi ton petit Louis !» C'était sa fête à celui-là, le petit Louis. Ils se turent bientôt tous les deux. « On les aura sauvés, » me dit Hermine, admirable de vaillance et de douceur. La cohue piétinait sans le savoir sur leur pauvre petit corps broyé. Chacun pour soi. C'était épouvantable à un point qui défie la plume et dépasse la pensée. Cette nuit tuait tout, l'âme avant le corps. Le vent avait cessé, la pluie tombait à torrents. Le tonnerre prolongeait au-dessus de nous ses roulements sinistres. Quiconque laissait aller sa tête au-dessous du niveau était mort. Les petits avaient commencé, les femmes suivirent. Il faut bien en revenir toujours à cette comparaison de la mer, car nul ne saurait se faire une idée de la foule sans songer au désespoir de l'homme qui se noie. À quelques pouces au-dessous de nos bouches, il y avait, comment dire cela, un air qui était épais comme de la vapeur de soufre. Je sentais cette fournaise quand je me penchais pour parler à ma compagne ou pour l'écouter. La pluie se relevait du sol en fumée brûlante. Depuis la poitrine jusqu'aux pieds, on était dans l'eau bouillante, et nous formions tous, après que l'obscurité eut duré 5 minutes, un gâteau compact qui allait sans cesse durcissant sous l'effort d'une pression formidable. Il y eut un moment où l'eau de l'ondée s'amassa entre moi et 3 de mes voisins, sans pouvoir couler, comme si nous eussions été les parois d'un vase. Puis l'un de nous tomba et l'eau passa, laissant jaillir une bouffée de vapeur en feu. J'apercevais les lueurs du corps de garde situé au-delà de la grille du pont tournant. Nous étions désormais tout près, mais à 1000 lieues du salut. En effet, pendant que le flot venant de la place nous poussait vers le jardin, un autre flot, suivant l'impulsion reçue, était vomi sans cesse par la grille. On ne savait plus. Figurez-vous, si vous le pouvez, les convulsions de 10 000 noyés entassés, triturés au fond du même abîme et tâchant, car c'est l'exacte vérité, de monter les uns sur les autres pour vivre de la mort. La bête humaine apparaissait là dans toute sa hideur. J'avais protégé déjà Hermine contre 20 paires de mains qui cherchaient à l'étrangler. Son corps eût donné quelques pouces de vide en tombant. Et ce n'étaient pas des bandits, non. Les bandits faisaient d'autres besognes. Ils vidaient les poches, ils lacéraient les oreilles pour avoir les pendants, ils mordaient les doigts pour arracher les bagues. Et de temps en temps, un spasme agitait cette masse d'agonie parce qu'une voix, intéressée à augmenter le désastre, lançait le cri de toutes les défaites, de toutes les déroutes et de tous les carnages. « Sauve qui peut !» Quand ce cri monstrueux parlait, Toute cette boue vivante s'agitait en un réveil insensé, et les hommes tombaient par douzaines. J'étais harassé de fatigue et prêt à tomber moi-même. J'avais réussi jusque-là à sauvegarder Hermine, qui me suppliait de songer à moi et de la laisser mourir. Je ne sais plus ce qui me soutenait, mais je me souviens que mon bras, convulsivement raidi, faisait toujours cercle autour de ma compagne. Tout à coup, l'étau qui nous serrait les uns contre les autres se lâcha un peu, bien un peu. Les poitrines rendirent un râle de soulagement. Quelque chose avait eu lieu, car les bandits grondèrent, voyant la fin de la curée. « Sauf qui peut !» cria Grippe-Soleil. Ce fut pour la dernière fois. Ma main le saisit par la nuque, et que Dieu lui pardonne. Le coquin ne pécha plus jamais. Par miracle, cette fois, le mouvement poltron qui se produisit eut un résultat. Nous pûmes faire un pas vers la grille grande ouverte où le passage devenait libre. J'eus espoir. Les soldats de garde étaient parvenus, au péril de leur vie, à refouler le flot qui venait du jardin. Des torches s'allumaient, comme pour nous montrer le salut. Aux premières lueurs de ces flambeaux, je vis deux officiers à cheval et je les reconnus l'un et l'autre. C'était d'abord Olivier de Raguenel, haut et fort comme une statue équestre. C'était ensuite Bertrand de Saint-Pierre, qui venait par le jardin et agitait son épée nue pour faire comprendre qu'il apportait un ordre du château. Olivier protégeait le passage. Bertrand cria de loin « Fermez la grille, capitaine! Fermez au nom du roi !» Une clameur désespérée lui répondit dans nos rangs. Raguenel dégaina et demanda « Qui êtes-vous, monsieur ?» Saint-Pierre répondit « Ces malheureux vont ravager les jardins. J'ai l'ordre de monsieur le gouverneur. Fermez la grille au nom du roi !»